à trop faire le fou, j'ai mangé des claques, fait couler des larmes, sauté dans les vagues, j'étais pas vraiment pro, mais je peux devenir sourd quand au fond je crame et que je suis dark. Y'a ce truc chelou quand tu craques, où je me mets à boire quand chérie tu pars. Ça devient relou, je pars, mais putain mes larmes, à qui tu parles? Au vrai, moi je sais pas trop, peut-être à mon verre de vin. Le bonheur m'a rendu accro, mais j'ai vu le fils d'égo, faut qu'on m'éclaire le chemin. T'sais quoi, j'en sais plus rien, mais un truc qui bouillonne en moi. Aujourd'hui je suis seul, avant on était plein, donc fais-moi boire et tant pis pour la gueule de bois. J'ai porté des poids, j'ai pété des portes, exporté ma foi pour aider les potes. Surmonter le froid devant le calibre à poil, mais c'est la vie qui veut ça, j'ai fait des efforts. J'ai levé des voiles, j'ai fait des désordres, et puis de façon qu'on me kiffe, c'est pas ça qui m'importe. Mais j'ai laissé le bateau de l'argent partir, j'aimerais bien le voir revenir au port. Enfermé dans ma tête, enfermé dans ma tête, enfermé dans ma tête. Je compte plus les erreurs, j'ai fait les dégâts, que j'ai pété des cœurs, autant péter les câbles. Je compte plus les erreurs, à faire faner les fleurs. T'as vu l'amour fait peur, il a truqué les cartes. Y'a les potes qui meurent, y'a ceux qui s'en foutent, t'as les constants. Et ceux qui s'enfoncent, raconte pas nos peurs, mais j'aurais rien sans vous, sans toutes les mains constants à chaque fois qu'on s'enfonce. Baisse de morale, faut que j'arrête de penser au corps qui sommeille dans les tombes. J'en ai marre de croiser des cons. Je vis la nuit, je me réveille quand le soleil tombe. On a mêlé l'espoir et le manque de thunes. Vadrouiller des soirs pour que le temps se tue. Je sais que je me forme, mais j'ai donné de moi pour finir seul à bord. Cherche le malentendu. Je me suis perdu souvent, j'ai pris des détours, mis de la drogue sous le pan, esquivé les cours. J'ai bicravé au four et à suivre le vent. Compris à mes dépens, gros que la vie est courte. Je me suis jamais plaint, à part dans mes sons. Et c'est mon journal intime, j'ai choisi mon thème. Je suis un verre de vin, un noir si mes sons courent sur les gens. N'imagine pas la vie qu'on mène. Enfermé dans ma tête, enfermé dans ma tête, enfermé dans ma tête. Je vais pas faire le fier, j'ai pas fait d'efforts. On n'a pas fait la guerre, ni vu tomber les corps. A vider les verres pour noyer ses torts. Le froid de l'hiver a fait gonfler les corps. Je ferais mieux de me taire pour qu'on foute la paix. J'ai déçu mon père, je suis qui pour appeler. Il vaut mieux que je ferme mon clapet, mais chanter ça m'aide quand la merde me court après. Je sais, c'est égoïste, mais moi c'est le seul truc qui me sauve. Au 12ème étage, c'est la seule chose qui contre la voix dans ma tête qui me dit saute. J'aime quand le fond vient t'épouser la forme. Je relis ce que je raconte, allez, j'en mets doute. Ce qui compte, c'est la passion, l'amour et la mort. Je me rends même pas compte que les gens m'écoutent. Que les gens m'écoutent. Enfermé dans ma tête, enfermé dans ma tête, enfermé dans ma tête, enfermé dans ma tête, enfermé dans ma tête, enfermé dans ma tête, enfermé dans ma tête.